choper, choper le trait, choper, choper, choper, choper le trait. Conférence de presse. On y va. Qui ne saute pas aime les bleus, bleus. Qui ne saute pas.